Bonjour, bonjour, bonsoir, mes amis. Bonjour, bonsoir. Merci. Merci, merci pour Nako Kozarawana, merci. Ah, Nelly Mass depuis Afrique du Sud. Merci beaucoup, ma sœur. Merci. Merci. Bozali déjà, Nazomonandenge Bozali Kokota, Botage. Botage ba o bazate, Botage bango même na makasi na loma, Botage bango parce que ceux qui osent aller s'intéresser à ma camboya mbokate, mbokakwe et s'intéresser na yo. Botage ba obazate, bo tchabamona lien balamoko. Donc, je souhaiterais que bozo balamoko lien bo tchabamona ba page na bino, pour que ba camarade na bino pe ba kota to so la mouke. To so la mouke. Et comme ça, natika bino pour na ba occupation moussous. Merci beaucoup, merci. Bon, ça a un plaisir, s'il vous plaît. Bon, tu as un lien dans la page Nabino. Comme ça, Bandeko O Bazali sur place T. O Bayébité qui est aux Aïna live. Bako tapé na live. Comme ça, tout seul. Merci. Merci. Voilà. J'ai oublié mes lunettes. Hein. Excusez-moi. Pour attendre, il faut quand même moi lunettes. Hein. Je pousse à nier. Tout comme ce qui n'a 97 ans, il semble. Tout ça, 97 ans. Alors, pour attendre, il faut lunettes et Zala à un certain moment. Voilà. Voilà. Et merci pour nos alarmes. De l'autre, toujours sur la Bandeko Bazali na YouTube. Bamoni déjà titre. Autocomi. Les régimes tribal se confirment. Tokomi na titre Nabiso na YouTube. Les régimes tribal se confirment. Alors, toko solo la liboso pour na comment est-ce que régime oyo tribal les ali ko se confirmer, les ali pe ko se ko consolider, na ko prouver yango. Et puis toko solo la toujours makambo oyo eza d'actualité, la mort de l'ambassadeur ya Italie na mboka na biso oyo bakufi na maboko ya oyo Bakufi na maboko ya Félix. Et tout aussi, ça peut être na divers. Avant Tobanda. Live na biso to salaki la fois passée. Live na biso a souka to salaki. Na zui ba message inbox ya ba milouvor. Pour na koyebisa que Monsieur Ozali Lokuta balobi ba milouvor ba uti ko sololana William Swing o azala ki ambassadeur ya États-Unis na Congo ba Congolais ba yebi ba Kinois ba yebi William Swing ba bandai ko benga ye Coco Swing balobi Lokuta na yo biso ba connexion na biso na ONU To sololi na William Swing alobi atikali kokutana na yote ezala na butu ezala na moyi ayebi yo kutu meme na pembeni te na musika te. Alors, comme biso tozali toujours, toyaka toujours na ba pièce contre pièce, na uti kocha lisusu. Na page na biso à Facebook notre photo ya ngai na William Swing na Suisse. Alors, bande konabiso, ba milovor, ba se taire à jamais. Ba se taire à jamais, parce que na yebisaka bango à tout moment que ba se trompa ki adversaire. Ils se sont trompés d'adversaire. Et na tango biso to lobaka, ngai personnellement na lobaka, jusqu'à la preuve du contraire, natikali komo na jamais un milovore, natikali komo na jamais un membre ya I2PES, Tshisekedi, oyo akoki ko segale na ngai. Je ne me vante pas. Mais je suis une personne, je suis un monsieur qui vit par mérite. Na vivaka na mérite. Na vivaka na faveur te. Na vivaka na corruption te. Na vivaka na mérite. Et na yebisaka bango à tout moment. Banda na botama ti lelo. Banda na botama na lobi bien. Banda na botama, je suis né en 67. Banda 1967, ti lelo tozali na 2021, na tikala kokoma jamais demande d'emploi. Na tikala jamais kokoma demande d'emploi. Misala nyonso na zanango. Que ça soit na mboka ya Corée, que ça soit au niveau régional, ya Asie, que ça soit au niveau international, na ONU, ya Haut Commissariat pour les réfugiés, ya ONU headquarter, donc le bureau général ya ONU, na tikala kokoma jamais demande d'emploi. Et misala na nga nyonso na zwaka, on me surprend. Batinde li omona kaka message kwei, monsieur, to monike, to lingi to propose yo, na kalite na yo, ya boye, boye, boye, to lingi to propose yo, o joindre, o se joindre na biso, po na mosala X ou Y. Donc, c'est pour vous dire, na tikala jamais ko senga mosala, se ba merite na ngai epesa kamisala nyos. Donc, c'est pour dire, nazo répéter yango toujours qu'on se le dise, tous wa famille ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba, ko banda ye moko, ti na bana na ye, ba koko na ye, personne na ko segale na ngai. Je ne blague pas na zoloba ko banda Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Zwa mwasi na ye, famille ya mwasi na ye na Angola. Zwa bana na ye, zwa bana ya bana na ye. Personne akokoma même na cheville na ngai. Personne na lobi. Etienne Tshisekedi wa Mulumba lekaki nga na age, c'est vrai. Félix alikinga na âge, c'est vrai. Mais makambo etali expérience ya mosala. Makambo etali kokende na classe para nyonso abeta katolo atinda bana na ye na classe. Banda famille ya Etienne Tshisekedi banda nzamba sala mokili oyo. Membre moko te ya clan mobimba ya famille Tshisekedi akosegale na ngai azali te. Soki azali bo site kombo na ye awa. De deux, famille politique ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba. UDPS famille. Je vous dis, banda président na bango honoraire, semble-t-il. Again, Etienne Tshisekedi wa Mulumba, trouble à son âme. Jusque na fils mokoko, personne ako segale na ngai. Ezala na mosala, personne alors. Félix Tshisekedi azali niveau moko d'étude na mwana na ngai ya suka. Kadete na ngai ya suka, Elle a 6 ans. Félix Azali na niveau d'études moko na ye, parce qu'à outi ko zwa diplôme na ye, ya école maternelle. Félix Azali na diplôme ya école maternelle. Donc, si faut ko égaler ba membre ya ba famille na biso mibale, Félix équivaut na mwana na nga ya souka. Mwana na nga ya souka Azali na diplôme ya maternelle. Félix Azali na diplôme ya maternelle. Voilà collègue na ye. Oyo bakoki ko discuter na ye. Pas moi, ngai nazali koko di koko ya Félix. Mes chers amis, avant na kota na ba détail, boyebi ke bandeko bazali ebele, bazali kosunga biso, mwa information, prof, likambo boye leki awa, prof tala boye, vérifier awa, tala boye, sala boye. On se complète. Moto moko azali complet azate. Bandeko moko, je pense, 12 personnes batindelinga une vidéo au natalité. Balobi nangai ya un petit garçon. Alobi baluba ba décidé. Yo okozonga jamais na Congo. Soki ozongi na Congo, baluba bakobeta yo. Soki basilisi kobeta yo, bakotya yo na prison. Pona nini? Parce que yo ozali kofinga baluba. Mes chers amis, je le répète. Vu ce qui se passe na mboka na biso. S'il faut dire merci au Rwandais Kabila, na kopesa merci au Rwandais Kabila na eloko moko. Na kopesa merci na Rwandais Kabila na eloko moko ya malamu asali na mboka na biso Congo. Eloko wana ezali ko permettre ba Congolais bayeba exactement bandeko na biso baluba bazali banani. Kabila a permettre biso toyeba exactement famille Tshisekedi ezali famille nini. Ba Congolais belé bazalaki conduit à bateau. Bayebaki famille Tshisekedi te. Bayebaki comportement ya solo ya bandeko na biso baluba te. Merci au Rwandais Kabila pour na ko permettre biso toyeba bango penza. Parce que biso toyebaki bango avant. Mais il y a de ces Congolais bazalaki ba Santo Toma. Buka Mona, Buka Kwikila. Ba Congolais belé bazalaki ba Santo Toma. Na tango bazoloba. Attention. Ezali na bato na mboka na biso na Congo bakoki kozwa pouvoir te. Ne croyez pas que bato na bandeko koloba mpona ko jouer la galerie. Bato oyo bandeko koloba ke bandeko na biso baluba bakoki kozwa pouvoir te. Bayebaki que soki bandeko oyo bazwi pouvoir ekozala la merde. Lelo bato wana nyonso bazwi ba évidence. Le monsieur, il semblerait, oh, il a sali vidéo, on a Zali na Kinshasa, Azali le communicateur, il y a présidence, c'est-à-dire Azali communicateur, il y a famille politique de monsieur Félix. Alobi Boye, monsieur Yombi, Azali Kofinga Baluba, désormais, akoya jamais au Congo. Monsieur Yombi ne viendra plus jamais au Congo. Ce qui a yé na Congo, Baluba bako kanga yé, bako beta yé, bako kene ko tchaye na prison. Alobi, Baluba bazali ba juif. Ba juif, ba bosa na kali kambute. Yango nazali koloba ke merci au Rwandais Kabila, ba yé ko lakisa biso ke en réalité au Kasaï, y a pas d'école. En réalité, au Kasaï, ba école les alités. Un d'abord, il se compare aux Juifs. Mais ezali ba inversion de valeur. Il faut qu'on yeba ki ba juif balinga ki mboka na bango. Juif moko te okende quelque part, même na diaspora. Et si ka bazala ki maltraité, ba juif ba trahir mboka na bango. Ba juif ba se trahir bango moko. Oyo ba juif andenge nini bazo kene ko sala une association avec Paul Kagame pour tuer des Congolais. Et vous vous appelez des juifs. Ba juif et si kanyo so bazali, bazali na solidarité na mboka na bango. La diaspora juive place nyo so bazali, s'il y a un problème na mboka na bango, ils se regroupent rapidement pour trouver une solution. Oyo bino bolobi biso baluba tozali ba juif. Ba juif andege ni kasayi semer. Kasayi bazoli ami selekete. Et si kali moke kasayi balia kaka na bango moko balia parce que bino ba kolia ezate. Bolobi bozali ba juif. Oyo ba juif andenge nini? Ba juif sika nyoso bakenda ki ni a diaspora et loko liboso bane ko tchana na liboso ezali kotanga parce que étudier ezali clé ya connaissance. Oyo ba juif nini? Kaka na maloba to tanga yebele biso to lakisa bino class biso to lakisa bino demokrasi biso to lakisa bino nzela ya ndenga kolata cravate me bango bato balakisa biso ko tanga lelo bazwi pouvoir bazoko ka ko diriger te oyo ko tanga ndenge nini batanga oyo bato balakisa biso demokrasi ndenge nini esika demokrasi ezala jamais. Ezala na ba famille na bango ba démocratie ezate. Quand vous voyez la plupart des couples congolais, les hommes qui soulèvent leurs mains contre Bassi na bango, la plupart sont alibi au Congo, ce sont des loups. La plupart ba mibali ba beta ka Bassi ezali ba loups, la plupart. Mais bolobi bozali ba démocrate. Je vous dirai ndenge naza awana tombola jamais liboko et pas ya mwasi. Jamais alors. Jamais je dis. Bon, ba décider ba lobi pouvoir ezali ya bango, ça c'est notre pouvoir. Monsieur Yombi ne reviendra jamais au Congo. Mais bazali ko bosana ke monsieur Yombi azali Kungu Pemba. Monsieur Yombi azali mwana ya Meni Kongo. Monsieur Yombi azali mwana ya Kiyanji Kola. Il faut ko yeba yango. Yango na yebisa kabino avant de s'attaquer à quelqu'un, boye bana no mutu wana azali nani. Bo se trompe ba adversaire. Donc comme je l'ai dit, nakoki ko tanda bino nyoso. Moko moko moko moko moko. Je suis sérieux avec vous. Alors, ce qui na lobby na titre to chaîne YouTube bande quoi Facebook ba monité, to lobby le régime tribal se confirme. Bolanda élément oyo, na tango na zali ko yebisa bino que cher Congolais, c'est le moment ya ko telema la bande ko na biso oyo. Bazali ko installer na Congo un régime tribal. Oyo après 5 ans et kozala impossible pour renverser la situation. Na zoe bisabino soki bozomo na makambo ezali blague. Mukolo yango bokende ko kanisa yango na toilette. Excusez-moi. Tozali entre biso il faut er moko tolo bana ba vérité parce qu'il y a des histoires où ezole kana mboka na biso. Ba Congolais bazo observer comme si le pays ne les appartient pas. Na zoye bisabino. Si les Congolais ba telemite ko stopper Félix avec son régime tribal, après 5 ans ça sera impossible. Na vandi libanda mboka na yebakite que na mboka na biso hymne national est changé. Bolanda dans une école primaire. Nalobi bien dans une école primaire. Banana biso avant ba kota na classe bazali koyemba hymne national ya parti tribal. et ezali na moyi makasi mutunyo sazali komona mais mutunyo sazali kotala lokola ezali problème na yete. Excusez-moi. Ils allaient à l'école primaire. Voilà. Donc, bon, tu kolanda na école primaire, tapis rouge Zali, en présence d'un ministre national, en présence y'a gouverneur provincial, banana biso avaba banda okota classe, ce n'est pas l'hymne national debout congolais, bazali koyemba hymne de l'UDPS. Bande kona biso ba congolais. Et là, on a zali kotuna. Est-ce que tu zali na conscience ou bien tu zali na conscience te? Excusez-moi. Autre chose. Oh là là. Excusez-moi. Autre chose, les zali. Bolanda. Elema mususu na ebite monsieur Kabuya azali na fonction nini public na mboka na biso bolanda bonheur ya la police nationale na biso c'est monsieur Kabuya azozo bonheur ya la police nationale. Voilà, mon général, M. Kabuya, honneur national, Yewana Leki. Voilà. Alors, la question qu'on se pose, Tozali na mboka nini. Moi, personnellement, excusez-moi, na fingaka balubate. Soki bolingi ko zela ngai na Congo, bozela. Bolobi d'abord akobanda ko beta maisika azali. Mes chers amis, botika ko se masturbe. Parce que sika nga na zali, peut-être bovandi na kishasa kuna. Félix peut-être komana na mboka nga na zali te. Namboka nga na zali aucun muluba. Je dis bien, aucun muluba akoyi ko tombola liboko na ye et pa ya monsieur Yombi. Azali te. Peut-être botamina no te, mais ba oyo bazali moko te. Je vous dis moko te. Deux ans yango jour pour jour. Mukoloni ni bakoya ko tombola liboko et pa monsieur Yombi. Mukoloni, deux ans yango yo. Seul contre tous. Mais non, mes chers amis, bomi kosate. D'abord, hypothèse, il y a esika Yombi azali, ba luba o bazali kuna ba kobanda ko betaye, na yebisa bino ke mokoti. mokote. Eza la bisika ngayi na kendaka. Posoki na yebi bango te physiquement, na yebi bango par ba dossier na bango. Je suis capable na minute oyo. Nazali na circuit moko qui me permet na kota na ba dossier immigration ya mutu moko moko mupayanyo savani na mboka kori. Na kokota. E na si na kota po na ba kongole na mona ki e ki. Donc, bomi kosa te, peut-être, bazo kosa bino ba bengi bino, non, biso to vay na kore, ah, toko benga ye, toko beta ye, mutu moko te. Na ebi sa bino, mutu o azali li boso ya batola nyoso, un petit garçon comme ça, asala 35 ans na kore, ou alala ka na ijin. Donc, ye moko nan mukanda ya keba keba, visa humanitaire, vraiment na visa humanitaire na ye, aya ko tele malibosa mese yombi abeta mese yombi ah mais ngana ebisa bino ke bon soki bolingi to kende ki yanke mese yombi azali polyvalent na milia ba yanke naza yanke na milia ba academic naza academic na milia politique naza politicien na milia ya eloko nyoso nazali mwa ndambo pe ataikondo pe na bandi mwa sentir ezali. Alors, bobo sanate, soki boye bakate, soki bozaline ba kamarade ya bana ki kuit, ba ye bisabino na mema saki ya Edi Kaulumbanda. E bisabino elote, to mema saki ya Edi Kaulumbanda. Donc, wana nyo seza ba, bozo se satisfaire entre vous. Alors, toke na niveau ya Congo. Ah, vraiment na Congo wana. Mese yombi akita na changu. Changu ya bayaka. Po ngani na wakene govande pa na bino te kote bovanda kaso yu wapi. Na wakene limetete. Mese yombi so yake ina Kongo. Mese yombi ya kovanda na changu. Donk changu wana penza ya bayaka. Yo outi kolia mbuwa na dizemri limete. Oye na changu oye ko beta mese yombi. Bozali serye? Mais je vous promets qu'à la mingité. Je vous promets qu'à la mingité. Mais non, ngai na finga kabalubate. Moi, ce que j'ai dit, je le répète. Batu oyo ba komisi famille Tshisekedi boye. Ba mone la peuple congolais boye. Ba trahir peuple congolais boye. La plupart ezali bandeko na biso baluba. Soki botali na mba net ndenge tozo sala makambo botozali koloba. Soki omoni mutu afingi yo, soki na tongo ezali kazali te, ekozala niembo. Soki niembo te, ekozala kitenge. Soki kitenge te, ekozala ntumba. Soki ntumba te, ekozala chibwabwa. Soki chibwabwa te, ekozala mushipai. Alors, tozali observateur. Pourquoi na conclure te ke bande kona biso ba luba o bazali ko supporter famille Tshisekedi bazali ba idio na répéter yango et si ko vandi soki oyebi ko supporter Félix na buzoba oyo yeba ndeko na répéter yango ozali idio ozali kiyungu na répéter yango mais avant ko banda ko beta ngai bolobi na fingi ba luba. Mais bon, ben, t'en as un kyungu wa kumwanza, mes chers amis. Bozo mwana ndenge nini bozali ba idio. Avant bo beta mese yombi moutazali na 17,000 kilometre na binokuna, commencez d'abord par ko beta kyungu wa kumwanza, oyo a bengana bino na ba kaleso na midinda. A bengana bino, lelo kyungu wa kumwanza koma baba wetu. Mutu oyo abandai ko sala maji na mobutu po amatrete ba kongole kitenge Yesu lelo kitenge Yesu akoma patriarche batu ya ko beta nanu bango wana commencer d'abord bo beta kitenge Yesu bo beta kiungo wa kumwanza Avant boya koluka, mais chez Yombi na 17 000 kilomètres bo bétail. Donc bon, on a déjà idée que il y a quelqu'un milouvor avant n'amboka Corée ou a koyiko bétail monsieur Yombi. Azate peut-être pour tinda mutuasika. Mais ceux qui botinda mutuasika, boye bisagaye. Que n'amboka monsieur Yombi avant presque tout le monde a ça la taekwondo. Ah, sport ezali na mutu nyoso a part bapaya ba luba ba sala sport. Alors, monsieur Yombi a vendi na milia ba étudiants na ye, yo penza o ye outi ko lia masango na matamba na mbwa. Non, na ike na kore na kebeta monsieur Yombi. Ah, yaka ka total. Yaka ka so beta e total. Ce qui vraiment boza mi bali. Bisika nga natambulaka. Nasina yebisa bino. Soki boliko beta mese yumbi, bocha ba milouvor na Genève, na quartier ya oni. Bocha kuna bokozwa mese yumbi. Mena uti kozala kuna kalati. Namuna tamuluba mote, na yebisa ki bino kombo telo na zalaki. Na pesa yi kombo tel na zalaki. Na sali kutu video na kata chambre hotel, na sali video. E na lobi nazali na hotel boy. Na loba ki yango. Hotel wana tiko kende na pale. Na pale ya Nations Unies. Sa prend 5 minutes. 5-7 minutes. Na bima ki na hotel wana na bimi. Na gare ya Cornavin. Gare Cornavin zali centrale na Genève. Batu nyoso bazala kawana na bimi wana na koti na shop na sombi chargeur po chargeur na kendeki na ngo eza model oyo ya biso bango koneza model mususu na sombi chargeur na bimi na ke na koti na hotel na ebisi na reception ba yelanga déjeuner na nga na chambre na bimi na sala ki 3 jours na Genève. Je vous ai dit esika nazali na lobi peke na airboye na kozala na palais na pesi kutu numero na palais des Nations Unies numero ya salle na kozala na pesa ki R na silisi na ebi ke R na zobima na port na okuta na milvor. Na moni mokote ikele ve. E kala mingi te boze la ba vaccin oyo. Na kozala susu na Genève, na kozala na Bruxelles, na kozala na Paris. Na niko mona ya miluvo raya kamema ateli misanga ata hoteli misa pamba meshe yomi telemana yo pourquoi lo bela kabalu na lo bela kabalu ba nyoso te na lo baka baluba oyo bazali ko supporter famille Tshisekedi na buzoba bazali ba idiot. Je le répète, alors un congolais 100% boke niko menacinga que je ne rentre pas na pays na ngai pona un Congolais 50%, Congolais 50% Angolais. Vous êtes sérieux, monsieur? À moins peut-être, Bobo Sanaki, que monsieur Yombi, a chapate na yina kasaïté, là ça va. Là ça va. Mais quand même, il faut que vous allez sérieux, Kinshasa. Kinshasa, ils allaient bayaka. Nakozala. Et d'ailleurs, ngai préparé. Bobi misana no ba Rwanda, bande konabi no ba Rwanda, Bobi misabango. Organisez-nous de bonnes élections. Vous allez voir campagne nanga liboso na Kasai. Campagne nanga liboso na Kasai. Lelo kungo kumwanza koyoko ya Kasai te. Nanga tombola mosapi ke kungo kumwanza soka ya Kasai kuna bokomema ina chipo ite. Nani atombola mosapi. Ke kungo kumwanza soka ya Kasai bokomema ina chipo ite. Kaka le même personne o a bengana na midinda. Kaka bino batu boko cha chipo ibo mema kiungu wako mwanza. Mais non, to yebi bino. Il suffit na kende na bazamba kuna ya ba kote ya ba bene na somba ba milu e bele. Na sombi ba milu e bele na tiangu na avion. Paske kampanye na biso boko mwona ba jet korean. Boko mwona yango. Ici fina somba ba milu e bele na bandiko bwaka na ba safan kuna na bwaki. Vous allez voir comment ba komemanga na chipoy. Et d'ailleurs nga na finga na bangote. Alors si vous interpeller bino moko na ba dire na ngai c'est que ya solo bozali ba idiot. Alors tokota na makambo ya minute mingi te o ezali koleka pona ambassadeur ya Italie. D'abord nde na lobaki na video na ngai liboso que lelo po ambassadeur ya Italie akufa monde ba ya koyeba ke Congo eza na problème. Bazali ba hypocrite, bango nyonso ce sont des hypocrites. Mais je pense que c'est une opportunité pour nous les Congolais pour que bato nyonso o bazali toujours na doute qui supporte le Rwanda ba yeba qu'est-ce que le Rwanda fait na mboka na biso. Mais Congolais tozali ko saisir opportunité wana te. Un d'abord la mort de l'ambassadeur ya Italie na garde du corps na ye na chauffeur na ye ezali na maboko ya Félix. Félix a voulu faire léger ya Laurent Désiré ya conflit Denis Sassou Nguesso na Pascal je pense Pascal Lissouba je pense. Natango Lissouba a remarqué que Denis Sassou Nguesso a coincé militairement. Pascal Lissouba voulait juste impliquer le Congo démocratique à côté d'un conflit à Brazza. D'abord, Pascal Lissouba a demandé renfort militaire par Laurent Désiré Kabila. Laurent Désiré Kabila, boya qui a le binôtre, ou tu as le pouvoir, si tu as stabilité dans le continent de l'armée, moyen de pêcher les militaires à Brazza pour soutenir les Ezate. Alors, Lissouba s'est proposé à impliquer le Congo démocratique na Makasi. A Bwaki ba missile na Congo. Et Kouyaki na campus, monsieur Kouyaki, je pense, na fleuve. Pour que ba mona, que non, guerre ya Congo, ba komi ko boma ba Congolais ba s'impliquer na Kati. C'est ce que Félix veut faire. En assassinant l'ambassadeur ya Italie, pour que la communauté internationale ba kote la ye. Mais hélas, comme boyebi idiot, a yebi ko sa la stratégie te. Stratégie nyo so idiot a sa la ka, ezala toujours lokola ya ba idiot. Ambassadeur ya Italie, ba lobi akenda ki kuna a yeba ki eloko mokote. Félix a yeba ki te, ministre na ye mama oyo koko oyo soki ntumba soki nani, Ayeba kite, ba service ya renseignement ayeba kite, la police ayeba kite, mais et pourtant, et une erreur ya ambassadeur oyo, ezalaki kaka na gomate. A bandi bamboke belé aleki, wane ezalaki étape ya souka ou bien avant ya souka, bake kobomaye. Alors, ambassadeur wana natango aleki, je pense, 4 villes ya Congo na est na biso. Service de renseignement ba yeba ki be ba yeba kite. Police a yeba ki be ba yeba kite. Parce que partout où il est passé, ba présenté ye ke aza ambassadeur ya Italie. Mais non, ezali pouvoir oyo ba pesi na maboko ba idiot. Le ministre, ou bien le ministère des Affaires étrangères, ba zala ki au courant que ambassadeur ya Italie aza la Est. Renseignement ba yeba ki ambassadeur italien aza na Est. Police et yeba ki ambassadeur italien aza na Est. Mais tellement ba yebi moussalate. Po na bango, ils ont trouvé ça normal. Parce que le pays aza ko assume responsabilité na yete. Yango bozo mona tout le monde. Ezala l'ambassadeur d'Italie avait une bonne intention ya koupe sa nourriture. Na lobby, intention ya koupe sa nourriture. Na ba Congolais, pourquoi ba ambassadeur oyo bomoni nzita l'ambassadeur des États-Unis akende ko pesa ba sardine loso na ba militaire na biso na front et pourtant ba militaire na biso ba zana front contact na bato mususu externe na commandement na bango ezali suspect ba militaire soki bazali na front contact na bato oyo bazali externe na commandement na bango ezali suspect. Mais comment vous allez permettre un ambassadeur des États-Unis d'Amérique à kende na front à koutana ba militaire na biso apesa bango ba vivre à solo na bango causeri morale bomona yango na mboka nini Bato bazali ko dirije bino bazali ba irresponsable. Yango bozo mona mutu nyonso un chinois koyiko longwa na Chine ayena madesu na yena ba boîte. Akomi na Kinshasa, lobby azu avion akena est, abandi okabula na ba militaire na biso, mutu moko koye bango azate, mutu moko pe akotelemela yango azate. Nous ne sommes pas dirigés. Le leadership est vide. Yango tozoy bisabino que soki tozali kolobela Félix. Mais pourquoi vous liez ça na tribune bino? Kolobela Félix ezali synonyme au lingi balubate. Olobeli Félix est comme un tribal. Un ambassadeur azoke ne kopesa ba vivre ba militaire na biso na front. Congolais lobela yango te, soki Congolais lobeli yango un tribal. Mais ce qui est vrai, tout le monde a une photo. Il y a ambassadeur, il y a Italie, na carré minier. Tout le monde, ba tami oyo ba soki ba miner ba sale la ba tami wana tout le monde yango a telemi na village. Alors, est-ce que un ambassadeur permis a kende na carré minier a ke ko sala nini? Italie lelo basengi oni bafungu l'enquête. Pourquoi? Parce que bayebi très bien que Félix azali lukuta. Italie bakoyi ko se confier na Félix te. Est-ce que boyebi déjà une investigation ya Félix? Quelque chose qui s'est passé dans Mboka na biso, Félix a lobby a nommé équipe basa l'investigation. Et équipe wana basali investigation pe rapport nango ba publié yango botangelanga enquête moko mi balete enquête moko Félix a annoncé déjà et que enquête wana salamaki résultat pe bimi ba décision pe kweyi botangelanga moko enquête moko mi balete banda Félix azali wana ya ke deux scandales na scandale ezali ko ya ba scandale na ba scandale ezali ko ya mais chaque scandale Félix promet ba enquête. Alors, boye bisanga enquête oyo Félix a salisa, résultat pe eye, to moni pe ba décision koyi. Bo tangela nga moko, mi balete moko. Enquête a liboso Félix a yebisa bino. Ye na mama na ye Marthe ba bomi, pap, soki, na lubite, soki, na ko benga ye papa na ye ou bien seme ki na ye, je ne sais pas. Félix na Marthe. Marthe, la femme de Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Babomik Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Na Bruxelles. Et loko liboso Félix a lobaki nini? Liwa ya papa na ngai ou semeki na ngai. Parce que ba statue za mibale. Statue ya papa na statue ya semeki. Na kosite parce que ba bota na mwana ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Donc azape semeki na ye. A lobi ba enquête ezali en cours pour na ko déterminer ba cause réelle ya liwa ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Lelo tozali ko kende na 4 ans jour pour jour 4 ans yango boye bisanga mu colonie Félix ayaki ko yebisa bino ke enquête na yebisa ki bino pour na liwa ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba to sali yango tala résultat yango boye bisanga. Boye bisangai. Oui, mes chers amis, finga me yebisanga apesanga réponse. Dès qu'il est là, ba pesi pouvoir et pas Kabila. Ba scandale ndenge zali koya, azali toujours ko promettre. Ba enquête. Abomisa ba tuna Antonov, aloba ki enquête. Ti lelo ezali wapi? Makambu ya 15 millions de dollars ya rétro commission. Ayebisa ki bino enquête. Ti lelo, enquête soki wapi. Donc, ezali nde biso ba congolais ba tozali ba bolole. Parce que quelqu'un comme ça, un idiot comme ça, un mongol qui vient azo kosa bino bozomona ke oui, mutu oyo azali kokosa biso. Bozomona ke azali kokosa, mais bozondi melaye toujours, vous les gardez toujours. parce que ezali tribi, il faut ezala na pouvoir, ezali pouvoir na biso, ezali pouvoir na bango, mutu moko aloba te, bino nyonso soki bozali baloba te, bokanga minoko na bino. Ba Italien bayebi ke Félix akoki kopesa bango résultat moko te. Ba Italien basengi na ONU a enquêté sur les lois et ambassadeurs na bango. Ce qui est grave, dans un pays où bato bazali ba responsable, où bayebi relations internationales, dès que l'Italie a annoncé à Sengi na ONU à sa l'enquête pour l'ambassadeur na bango, le pays devrait agir. Dans le sens que ONU na mboka na biso ezali police judiciaire te. ONU na mboka na biso ezali police judiciaire te. Ba enquête moto akosala yango ezali Congo. Mais hélas, à la tête de notre pays, nous avons un Mongol. Nous avons un Mongol qui ne comprend rien. Yepa sepeli. Ah, Italie a le vivre, on y a ça l'enquête. Bon, moi, on y a, Italie a l'ingibis, on y a ça l'enquête. Zoba ki yungu ki zengi. Ki zengi penza. Ndeko moko wa zo finga nga grave na YouTube. Men ndeko, ce qui fait les azaki zengi te, yebi sanga rata classe pourquoi? Mbongo ezanga te, ndako ezanga te, papa premier ministre a maintes reprises. Mbongo ezanga ki te? Alors, arata y classe pourquoi? Arata y classe parce qu'aza mongol, babini sakiye, pas ya pamba, konyo koma ya pamba. Bolongo la yeka kavana na ndako. Akepe na Belgique kuna, bo angaje, ake na ko livre ata ba pizza. Pizza ngwa papa neko ne ko livre, soki ba pesye kene, ba pesye ba adres 4, 5 pizza. O tika na adres boy, o tika na adres boy, o tika ake na nzela abungi, ba adres azo mona te za wapi. Ye ba tindiye na Brussels, soki kote nini, ye azwi nzela ya France, ya Paris. O, kuna eza France, malobi pizza oyo, kene ko livre na Brussels, awa. Me yo zo kene na ba ville msusu, na Namir. Nzela Namir kuna bakende wakanga ye mkolo msusu, balukie nzoka ndi bakeko retrouve ya zoke ni na direction ya soki Namir. Barbi o pizza o yo eza na Brussels, yo na Namir otuke, o na kanisa ye kasi loko leza peyi moko, te yungu, balongola ye pe na plasa kwa orivre ba pizza. Na kosi te, je mens pa, soki na kosi yela nga ba pref, pese nga kombo ekola tanga. Azali na niveau d'étude moko na mwana na nga asuka. Diplôme école maternelle, ton mon appelé professeur dans l'école maternelle a témoigné que Félix était très intelligent à l'école maternelle. Dans le dessin, oui. Moi, je n'ai pas à un niveau, wana. Ba camarade. Je n'ai pas coco di coco, coco di coco, coco di coco. Ce qui coûte, Étienne Tshisekedi a cocanité dans l'école. Parce que Étienne Tshisekedi chez moi, c'est un cadet dans le niveau à Kotanga. Un cadet. Ouais. Ouais, parce qu'elles n'ont prouvé en haut. Et ça n'a malobaté. J'ai prouvé au monde que diplôme n'a pas partout. N'a lié en haut, n'a mis ça là. J'ai travaillé, je travaille. N'a pas prouvé dans le monde que oui, j'ai mérité ces diplômes. Voilà qui s'en a. Premier doctorat, il y a Étienne Tshisekedi. Il a prouvé quoi? N'a pas si à mon indice, mon coq, Étienne Tshisekedi, réellement, il était docteur en droit. N'a pas si ni phrase, livre mon côté, phrase mon côté, et l'autre côté, kaka diplôme na maloba. Bon, prouvez nga que oui, il a fait yangoyo, yangoyo, yangoyo. Ngai, diplôme nga oya suka doctorat, je suis professeur d'université. O tchè tembe, o zali ko douter, le kan na Facebook, ba vidéo, ba film, ba vidéo, e zali. O komona yango. Ah, soki na kosi ba Congolais, oui, na koyiko kosa ba Congolais. Mais na kosa pena ba Coréen. Nako sa bangote parce que ba vidéo wana bozo mona eza na chaîne nanga ngam na tourner yango te muyaka muta sali yango te ezali ba chaîne de télévision coréenne donc soki na kosi ba congolais ba coréen pe na kosi bango mawa Etienne Tshisekedi azala ki rien devant ngai rien je vous dis rien béton ya solo yango yo alors maintenant, enquête ONI à sa l'enquête. Est-ce que ONI Azali une institution judiciaire dans Mboka Nabiso, aya ko sala enquête. Mais voyez bah que on est déjà bandi, Monisco a bandi banquette. Et le pouvoir na bino, pouvoir na biso baluba, pouvoir na biso baluba. On y a bandi banquette bino bozo yoka, a bandi banquette na territoire na bino obolobi pouvoir na biso baluba. Ouais ça pouvoir na biso biso baluba. Soza moluba te kanga mu nokona yo, boza ba idiot. Alors, tokota na nini ya suka po to nito kokisa ine Kabila batindi na Cuba, Kabila babengani ye batindi na Cuba, Cuba Cuba Cuba, Kabila se retrouve na Katanga. No batindi Kabila Kabila kimi na Dubai, kimi na Dubai, kimi na Dubai, Dubai Dubai Dubai. Kabila fait 3 jours na Dubai, Kabila est au Congo aujourd'hui. Bozomo na te bande kondeni ni bozali bizengi. Mais franchement, bozali bizengi. Yango tozali koloba merci Kabila. Parce que tobandai komo na bino na musique, bon, ba congolais parce que biso to tokoma isika na bino, biso ba tokoma Kasai, biso ba to viva na bino, to yebi. Na tango tozolo ba congolais bandai ko ndima biso te. Na tango tobandai koloba ba congolais bandai ko ndimela biso te. Bato oyo batika ba loba biloko wana ke ezali na kategori ya bato msoba koyo kozwa pouvoir te ezali ma sekite ba yebaki oh non muluba za aza mutu malamo muluba aliaka na mutu nyoso muliba muluba aliaka na mutu nyoso wapi lokuta muluba aliaka na muluba muluba soka alambi mutu nyoso yako chalibo liboko lokuta muluba so alambi muluba nyoso yako chalibo liboko. Le petit garçon là où a sali moi vidéo ana alobi président de la République a zo engagé batunyoso bashwaili baluba bal non ndeko soki ozali vraiment logique avec toi-même zo kaka liste ko kene musikate zo liste ya batu Félix a yena bana présidence ko lobana musikate zo kaka liste ya batu Félix a yena na présidence banda kotala nani azali mutu wapi et la moi moke ya bataba province mususu o bazali kuna landela histoire na bango okomona soit abala muluba soit ndekona ya abala muluba soit akola na muluba na yebisaka bino na bomba kate na yebisaka bino parce que c'est un problème national boyebisa anga mingi yo loba kama kamba Felix angaje ka baluba mais ndekona yo mutu ya village na yo azali e pa Felix oui na yebisaka bino ke ndekona nga na azali na village ya Felix. Un de konanga a changé d'abord de nom. Kombo na ye soki boyoki yango, ezali kola kombo baluba. Kombo na ye penza oyo ba botela ye, ezali kombo anate, a changé ango po ezwa tonalité ya baluba. De deux, ndeko wana azali copine ya Dopin Kabongo. C'est vrai, c'est connu. Bato bavandi na mboka Canada bayebi yango. Bato bavandi na mboka Canada bayebi. Ndeko wana azalaki bien kazali marié, aza marié na bana mais hélas bon voilà. Na kentweki azalaki copine ya Dopin Kabongo. Koko ma père Dopin Kabongo akei, c'est Dopin Kabongo ki ami kombo na ye na liste. C'est connu de tout le monde. C'est connu de tout le monde. Donc batu nyoso o bazali na Félix la plupart o bazali a province mususu soki botali malamu, bolandeli, ya une relation intime na un muluba. Alors, régime et c'est confirmé. Une école primaire. Bon, moni vidéo bandeko o baye sikoyo, ba moni yangote, na lakisibino une vidéo. Une école primaire. Ya Congo. Une école primaire nationale. Même si ezali nationalité. Bana na biso avant ba kende classe, il faut ko yemba hymne national. Bana ba koti classe. Mais une école primaire. Autorité ministre azali wana, ministre national azali wana, gouverneur la province azali wana, banaval bakota classe bazo yemba hymne ya IDPS. Bandeko même si pouvoir ezaya bino à niveau oyote. Et bana na biso wana eloko bazo yemba siko bazo kola nango ke hymne national na biso ezali hymne wana ya IDPS. Debout congolais ba bosani ba yebi yango te. C'est l'hymne national de l'UDPS Oyo Bango, bazoye kolona classe. Est-ce que vous ne détruisez pas banana biso? Bozo monate commerce bazo détruire biso. Et congolais avant ya zo monango normal. C'est normal. Mais non bandeko. Tozali babololité. Tozali babololité. Nazo yebisa bino que slogan wana o bozo yo kabandeko na biso kasaye luba bazali koloba un tribal ezali lukuta ezali po bakanga bino monoko boloba te parce que eux ko yo kabalobi ke un tribal okobanga oloba te mais non ezali na batu o babangi sakate ngai soko lobi ke naza un tribal kende ko funda ngai okoyoka son. Kende ko funda un tribal, funda ngai, comme ça, o yo kason, na tangisa yo, ba tangisa yo, un tribal ezali nini. Un pouvoir en place, un pouvoir national, ezali tribal te. Im national ya IDPS, ezali ba fait privé, familial ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba, ezali national te. Sur quel droit ya mboka na biso ou bien international nos enfants à l'école primaire doivent apprendre doivent réciter l'hymne de l'UDPS avant ba kota na classe? Est-ce que congolais bozali bizengi be bozali ndengeni? Mais non bandeko bato oyo il faut pouvoir oyé kweya. Nous devons et d'ailleurs ça commence hein? Ça commence maintenant. Bozomo na ba radio, ba télévision internationale, surtout ba bandi ko comprendre que en réalité au Congo, il n'y a pas un pouvoir. L'ambassadeur rwandais a été tué dans la zone contrôlée par les Rwandais. Et ça, les zones contrôlées par les rebelles au Bozo Funda Bangote, Bango ba lobby, Bango baza musika, ba pesi ba position na Bango, baza musika, c'est contrôlé par vous. L'ambassadeur italien Bobomie, justifiez-vous. Ah. Tribunal international peut se saisir. Non, en tout cas, on se penche un peu dans les Kambou Oyo et les Kana Congo Kuna. Ambassadeur Wana Koufindengirin. Boyebi, assassinat, il y a secrétaire général des Nations Unies. Ou à Koufana Mboka Nabiso na Congo. Boyebi, implication Nango. Boyebi. Assassinat y a ambassadeur français au Zaïre. Vous avez une implication dans ça. Et nous, c'est Zali Koleka, na écart il y a 30 ans. Na écart il y a 30 ans. Vers les années 60, le secrétaire général des Nations Unies a Koufa na Mboka na Biso. 30 ans après, l'ambassadeur français a été assassiné na Mboka na Biso. Na kati ya bureau na ye. L'ambassade ya France o ezalaki pembeni na ngamba même ligne na epi sur ambassade ngwe ezalaka wana 30 ans après c'est l'ambassadeur de l'Italie qui meurt assassiné par Félix bino bozo kanisake eza biso ba noir biso ba congolais auto négligeaka ressources humaines na biso mindele yango bozo ba mindele oyo ndenge nini bato bazo kufa na Congo balobela kate kaka ambassadeur ya Italie aye ko kufa ba komi ko lobela mais oui parce que bino soki bozo pesa ba ndeko na bino valeur te bino soki bozo pesa bato na bino valeur te bato oyo bazali ko kufa bon moni déjà Félix a pesi même ba condoléances ya pamba ambassadeur ya Italie a kufi. Mama o ya affaires étrangères a keiti na ndaku ya veuve ya ambassadeur wana. Bosi bo mona mama wana ke na ndaku ya congolais moko. Bazo zela pe na Goma parce que les chauffeurs étaient congolais. A kei na ndaku ya ambassadeur. A ke okuta na veuve ya ambassadeur. Bazo zela pe a ke na Goma akuta na pe na veuve ya chauffeur qui est le congolais. D'abord bota na ba condition o ba kundeli chauffeur wana mawa. Mawa. Alors, ce qui moutou oyo qui se dit président de la République Nabino, azo considéré binoté. Batou bakoufi, bazo boma 54 personnes tombées pembeni ya Goma na Beni. Félix prend l'avion, il survole Goma, akeiti na Rwanda ko s'incliner na ba mort ya génocide rwandais ya 1994. Les mêmes jours, Nathan Wazo a avion à Kinshasa, a informé qu'il y a 54 Congolais qui ont massacré dans l'Est de Nabiso. Félix prend l'avion, il y a un petit aéroport qui a dit que non, avion au Azui, il y a Goma pour 54 personnes à Goma. Non, Félix survole la mort de Nabiso, il y a atterri à Kigali, il y a incliné à la mort. Il y a génocide, il y a Rwandais, un génocide rwandais préparé par des Rwandais, qui, ils ont tué des Rwandais. Sur le territoire rwandais. Alors, si quoi, ce qui basal moutou, ou azali ko représente bino, azo pesa bino valeur de. Ba paya ba ko pesa bino valeur de. Ba préviens moi. On pouvait comprendre Kabila ko pesa biso valeur te parce que Kabila mission na ye ezalaki yangwana bino bolobi mwana mboka ya banda mwana mboka ye apesi bino deja valeur Antonov Panzani ba pandi Antonov ye na Kabila na ba désordre na bango mibale ba pandi Antonov na kati kuna bato bakufi mais priorité Félix apesa ki na nini priorité apesa ki na nini priorité apesi na voiture blindée na ye président c'est l'Eli voiture blindée. Mais na kati Antonov, y a eu des Congolais au Bakufa, batika bana, batika basi. Félix, présidence, est regretté à voiture blindée na ye. Batu au Bakufi te blindé. A lui, ba enquête ko salama. Ti le lo tozo kene mbula mobimba yango. Enquête salami mkoloni. Enquête ango tosuka wapi. Boni boni enquête wana. Mawa. Alors, comment est-ce que batu ya libanda ba kopesa bino valeur? So ki na kati ya ndaku na bino, moutou oyo ki est censé vous protéger, moutou oyo ki est censé kopesa bino valeur, azo pesa bino valeur te, vous attendez que les Européens, les Occidentaux, ba pesa bino valeur. Mais boko zelati ye swa koya. Boko zelati ye swa koya. Valeur yo moko nan moutou ko luka, valeur na yo moko. C'est ce que moi j'ai dit à beaucoup d'Africains. Mais non, il faut pas qu'on blâme les Coréens, il faut pas blâmer les Coréens. Que non, bato o bazo pesa biso valeur te, ba finga biso ba makaku. Mais parce que bo, bino moko d'abord comportement na bino ezali malamu te. Na lobi te que c'est que makambasa la kezali malamu, ezali malamu te, ezali ba bi a droit de l'homme. Mais avant ba respecte yo, c'est respecter d'abord yo moko. Michana valeur yo moko. Ngana lobaka ngonga na za susu victime ya racisme na mboka korite na za victime na ngote na koma siko victime ya discrimination positive na koma victime ya discrimination positive et si kanyo songa na za la Korea telemaka fakanga photo okoti na bank tout le monde debout bato bazo comprendre te mais moto azanani moto est-ce que peut-être ayala mbongo ebele awa. Oyo wa msusu bazo tuna. O ba ye biyote. Bazo tuna. Dugu ya. Tetu nyong ya. O aza nani. Aza president. Te aza president. Te aza professeur. Oh chincha. Mutu ya wapi. Ameriken. Te Amerike te. Afrika. Aza Afrike. Ha. Chincha. Yasulo. Afrike. Afrike professeur. Awe pala biso. Ayeko na wapi. Oko yuka. Ozuka makamusu bazo. Mena osa asamblan. Atange pala biso. Pour moi, il n'y a pas de classe à la gâte. Attends, il n'y a pas de biso. Donc, il faut d'abord me sa valeur yo moko. Bon, me sa valeur bino moko avant que tout le monde respecte bino. Moutou moko te n'amboka kore koya ko manke nga respect. Azate? Azate? Alors, bino bolingi ba boksidanto ba pesa bino valeur. Mais bino moko zomi pesa valeur te. Bozali na ressources humaines. Au lieu de protéger les ressources humaines, vous allez les détruire parce que vous avez les bino à bon côté. Voyez-vous notre sœur a commis recteur à l'université en Écosse. Vous avez vu pouvoir les bino basali semblant ba récupérer. Ah, mamouetou, ayego zong sa bango na nzela. A sali tweet ye moko na lingi to. Bon récupérer nomination nangai na buzoba na bino politique. D'abord cette dame là, madame Deborah Kayembe, c'est une femme qui a évolué na droit de l'homme. Na tangi histoire naye. Na yeko mona ke tozwi parcours moko. Tozwi vraiment na moni histoire naye, tozwi parcours moko. Elle se retrouve na Écosse, na me retrouver na Corée. Et si quelqu'un en Écosse lutte pour la babille à droit de l'homme, et si quelqu'un a couru lutte pour le droit de l'homme, la loi pour les réfugiés, yekuna yeko arraché une loi na parlement, na yeko arraché une loi na parlement, elle est devenue rectrice, je suis professeur. Alors, même parcours. Et moi, quand je l'ai vu, na félicité qui est d'abord, na tindra qui est tweet na ngai, na félicité qui est. Et na loba qui na tweet na ngai, c'est une opportunité ndeko oyo, soke azali kasayen, pour a édiquer ba kasayen moussousou. Et ndeko oyo pa ayeko comprendre, parce que azali na sens très élevé à droit de l'homme, ayeko comprendre asali bango tweet. Na lingite makambo na bino bo makambo na ngabo récupérer yango. Et d'ailleurs je ne suis pas kasayen azape molubate bango ba récupérer mbango er ba yuka kayembe ba récupérer or ba yebite na ba province musu lokola ka bandundu ba kasongo bazali ba chitenge bazali bango er ba monika akombo ah mamu wetu ba récupérer jusqu'à ce que maison civile ya Félix ba yeko tindele ye mukanda. Mukanda na chaki ya muna Facebook na ngayi boko mwona onso bokoti. Ba yeko, ayeko tindele, ba tindele ye mukanda. Oh no, loko mi rectrice ya université wana. Ezali malamu pona biso. Tindele biso ba invitation poto ya ko félicite yo en person. Hein? Moi j'ai écrit à cette dame ko mekate. Soko meki, oko mwona 3 avions bako afrete. Na kati kuna Baniembo, Ntumba, Kalala, Kazadi, Kabongo. Oko mwona bango kuna avyo ane gozonga na Kongo na batumi satu. Ba pilote. Komekate. Presidence ki kemande ba invitation. Ba kende na Ecosse. Presidence. Maison civile. Mawa. Alors. Mes chers amis, Kabila est libre. Kabila mutatinda ki na Dubai ezali Félix. Non, Kabila Kimi, non, Félix Mutatinda qui est le président qui est représenté Ngaï. Kabila est là maintenant. Alors, voilà. Naloba Kimi, ce qui a Kalonji Mutazo, il y a Yombi Bolole, Kalonji. Ce qui est Monika Kalonji, c'est Ntumbaka. Bon, je parle coréen, excusez-moi. Il y a quelques minutes, bon, Moni Mujinga, moi, je suis comme ça. Si vous êtes Mujinga, vous êtes comme Kalonji. Ah, en tout cas, Batouyo, on a évité. Mais non, Tozali a un tribal. Le problème, c'est que le comportement est un comportement. Tout ce qui est comme on a un côté, on a un président, on a un peu de temps, on a un peu de temps, on a un peu de temps, on a un peu de temps, on a un peu de temps, on a un peu de temps, on a un régime comme ça, on a un peu de temps, on a un peu de temps, on a ba komisa pays oyo lokola ya bangote bien au contraire à l'époque de Mobutu bato oyo bané ko beta tolo ba vandisa pouvoir Mobutu ezali bato bandundu bato kasai la plupart na batakivu la plupart bangba kate bangbandite. Alors avec Laurent Désiré Kabila tomoni makambolate, mais pourquoi est pas na bino ezala boye? Pourquoi comportement na bino ezali mabe avant ya ko kwakize gratuitement bato ya un tribal? Bosa la introspection. Comportement na bino ezali malamu ou bien ezali mabe. Congolais nyoso azali ko décrier comportement na bino ezali mabe. Et na yebisa kabino ke Congolais azali hypocrite. Mes chers amis Luba, je vous dis Congolais azali hypocrite. Soki moni Congolais ayebisi yo ke ah biso na Congo tribalisme ezate problème ezate baluba il se comporte très bien lukuta azali muyibi escroc hypocrite. Mais soki ba vandi or vous les luba soki bozali na katite tout Congolais en parle comportement na bino ezali mabe bozali ba drifté tout ça na besoin ba drifté. Tous les Africains, tous les Congolais, nous avons Robert Tolo, nous avons dit que nous Congo, nous avons vraiment moi na Kimbango. Alors, yo noir, le Kolangaï, ok, nous avons commis ça, nous avons dit juif. Mais où est l'aliénation en dégâts de bateau? Bah, juif, ça concerne les juifs. Mais tous les noirs, tous les noirs. Alors, yo ke ne ko komi komi sa obeta tolo ke biso ba luba tozali ba drift. Ki drift yango ya nini? Siko ba drift bango bazokufa na nzala na kasai. Ba drift bakufa nzala. na Israel ba juif ba kufa nzala monde vanda boy ba juif vraiment ba zokufa na nzala monde vandi monde ya mbongo evandi ba juif ba zokufa na nzala na Israel bo mona yango me na kasai ezokufa nzala kasai ezokufa siko wapi ba juif yango ya monde bino boza ba juif les kasai mère où sont les juifs du monde ba zali wapi bozo mona ndenge nini boza ba bololé bozo mona ndenge nini boza ba bololé bizengi Non, faites l'introspection. Est-ce comportement na bino ezali malamu ou bien ezali mabe? Vous avez l'introspection? Alors, voilà, mes chers amis. Ton l'écrit déjà 11 minutes par rapport à une heure. Tout aussi, ça va pour aller là. Et là, on a le bas qui est dans le Oyo Bazalakite, on a outil le bas concernant l'hymne national Nabiso. Le régime de Félix est en train de changer l'hymne national au lieu l'hymne national des bouts congolais. L'hymne national en Boko Nabiso, Bécol, comme il a imposé Bécol, il y a l'hymne, pardon. Hymne ya IDPS, désolé. Hymne ya IDPS. Alors, bandeko o bazalakite, boyoka yango, yangoana. Hymne IDPS dans une école primaire, avato kata. Voilà, une école primaire. Hymne ya IDPS. Drapeau ya IDPS yangoana des mata. Dans une école primaire nationale, le ministre est là, le gouverneur est là. Banana biso fou batele ma fixe ponres bolanda yangwana. Alors, esika ya boye congolais yo vandi, o réagir te. Est-ce que vous allez moutou ya solo ou bien vous allez soko moutou? Voilà, bah on a vu ce bangoye yo, école primaire, voilà, école primaire, yambouana, voilà. Alors, makambu ya boye, toloba ou bien tolobate. Toloba ou bien tolobate. Ce pouvoir n'est pas un pouvoir tribal. Ce qu'ils allaient pouvoir national, ils allaient responsabilité à Congolais, n'y ont soit télémé mon ma kambo me o Félix azola ki sabiso ki makinka. Alors congolais lobini totika kenboye ou bien telemina et loko ya mabe bazo tia na mboka na biso parce que sore le ki 5 ans je le répète moto moko te akokoka ko changer loko oyo et ko koma nini na lobaki ya mona video moko eleki soki botiki Félix avec ses comportements de ses frères tribaux. Ce qui va continuer, boye. Mokolo oyo makambo yo koma sérieuse na mboka na biso. Toko wako longola eloko ote. Baba nako ganga lokola ba deko na biso. Ba est africain oyo ba rwande. Tuti ba lobaka. Chasse o tuti. Moutou moko alandara ba tuti azate. Na Congo bazali. Partout bazali. Alors, eko koma siko ke ba deko na biso ba luba. Makambo o Félix azo salapo na bango. Ezali mabe, tango makambo koma serye, sto zongi la ala normal, babanda ko ganga chasse au luba. Chasse au luba. Voilà danger o nazali ko kebi sabino ba kongole. Sto ki bozo ye ba yamote. Biloko aboye. Une école nationale, une école primaire, ava ba kota na classe ba yemba imna ya IDPS, a la place ya imna national de bou kongole. Est-ce que zala na monde? Bon, botika bango va continuer parce que vous comprendre ma kambiso to zolo bate. Tant que comme trop tard a chimé binomoko. Merci beaucoup pour la Hollande biso, merci pour la cabola vidéo na biso. Ndenge to lobaka toujours un idiot est un idiot, des idiots sont des idiots, Trois idiots sont trois idiots. Ce qui est idiot, il a commis 1 million et Zali parti politique. Ces partis politiques, c'est l'UDPS. L'UDPS est constitué des hommes et des femmes de tribus. Les hommes et des femmes de tribus sont des millevaures. Les millevaures sont des citoyens congolais, génétiquement tchisekédisés, qui ne raisonnent que sur base de leur tribu. Bon, tu comprends, Nayango? L'UDPS et Zali constitués Naba, hommes et femmes de tribus, Naba idiot. Bazo komisa hymne national Nabango, hymne de la partie Nabango, bazo komisa hymne national d'un pays. Alors, biso bato zali ba idioté, soit au télémeli bangote, dans 5 ans, nous allons vivre un régime tribal et bandit déjà. Kalamengi te bozoka hymne on a IDPS, et zali na français, Kalamengi te zo koma na Chiluba. Kalamingi te zo koma na Chiluba. Alors, mes chers amis, petit kalamalam, depuis le week-end de malam na biso, merci pour la Hollande biso, merci pour la partager ma vidéo na biso et tokutani mbala sima. Au revoir. On commence par ici. Allez, bye bye. Et par la suite.